gun sans plaque. Des gaines de bandits, l'ambiance est tendue. Dans le sud, ça descend cap. Marbé en Hesse a déjà fait des cambus. C'est 9-3, faut pas que les porcs s'invitent. Pousse-toi, tais-toi, tes poches sont vides. La beuh de l'an débite trop vite. L'ancien, c'est plus un petit 2000. C'est un peu filtré trois fois. J'suis en RS tout droit sur trois voies la nuit. Des frères qui font les 100 pas. J'envoie le colis, trois bigots, du bédo, de la weed. Mélange clair dans la cristalline. Du crédit, c'est comme à la lime. On peut te faire peut-être un prix d'amis. Si tu prends pour toute ta mine. Ça vient de passer dans la passage. Souvent la gueule d'ange qui est passage. Fais pas ci, fais pas ça. C'est pas facile de s'attacher. Hey cousine, donne ton snap. J'en ai déjà marre de Natacha. Mort pété dans le féfé. De toute façon c'est moi qui est passager. J'connais plein de gens dans le foot, dans le rap, dans le beat. C'est des talents gâchés. On va rien lâcher. Oh Mike, que des talents fâchés. Je m'en branle de ce qu'ils pensent, qu'ils disent sur moi. Ouais, faut que vous le sachiez. Toute l'année, ça chante, ça fait les macs et ça passe caché. J'suis pas qu'à lâcher, gros, village que j'ai. Fallait faire un choix, t'en plein au mic ou en GAV. Le cœur passe avant, les sous passent après. Petit bâtard, y'a pas que le champagne qu'on va sabrer. Grosse logistique, full stone comme les Paoli. Dans les années 90, j'aurais fait des brinks. J'fais à l'ancienne comme les parents, des modables comme les tapins. Comme d'hab, c'est la cata et les pimpons, ils ont trop faim. Quand tu montes, on te suce. Quand tu coules, on glisse. Après 2-3, je t'aime. Ils vont faire des bêtises. Mais je remets mon tablier. Né pour briller. Après, faudra m'oublier. Ça vire au drame. C'est le grand classico. Sonne l'alarme. De Marseille à Paris. Ça vire au drame. C'est le grand classico. Sonne l'alarme. De Marseille à Paris. J'ai mes moines à moi. Tes guitaristes vont ta maman. Monte caché sur Panama. On va te traquer jusqu'à la mort. On te pardonne pas mais mon camis. C'est des enchères aux assises. Sous le bolide y'a la balise. Colle poteau, mi vraie valise. La tête que dans les SE, que dans les schnecks. Ma paye pas le S, sonne pendant ton check. Ça me dit t'es pas le J. Le rap une maladie. J'baisse les rappeurs que des parodies. Wesh malope, ça qu'est pas ça. Des rancuniers comme Sosa. Parti pour la remontada. Tout baiser sans état d'âme. Et la vue dans l'anus. À l'arrière de l'Urus. Ne viens pas par les Russes, on laisse pas traîner nos paluches. J'suis dans le four, j'cuisine ma quiche, quiche. On en veut toujours plus, plus. Dans sa tombe, personne est riche, riche. Les raffoles, ça use, use. J'suis dans le Benz, j'ai bien calé ça. J'suis dans la zone à risque avec mes Sosa. J'aime sa démarche, j'me dois de la casser. Quand elle met son jean, elle est compressée. L'eau face au mordu, l'équipe, ces bâtards nous ont tous saisi. Change de meuf toutes les saisons, j'suis amer comme l'euthanasie. La balle sort de la brechange, j'fais bosser la scientifique. Numéro 10 qui se laisse pas faire comme mon cochard, j'suis trop technique. Toujours 5 le 17, j'veux l'or de 10 chèques. Qatari fidèle, quand j'en ai au mauve le J dans la chop depuis dans mon del. Quête comme on déboule, ils savent qu'on les baise. Gentil à la base, mais la base n'accepte plus l'échec. Sur un palseo, j'pull up comme Marlo dans la série. Marseille City pays dans le pays, sans spark tous les jours en pleurant un Kenny. J'leur ai tout donné pourtant, ils veulent pas me voir béni. T'en fais pas pour moi, maman, ils disent que je suis le futur génie. Concentration, pression, je la cible pour boire léger, léger. C'est Paris, c'est Marseille, c'est danger, danger. Fini la disette, je fais mes jazz, me prends pour la tête. Y'a de la beuf qui fait comme maté, y'a de quoi devenir son dans la tête. Il me faut un assorti, amasse ton instant, ma gueule. J'prends les virages à bloc, comme le petit coup sur le stand. Hey, faut bosser tard, personne va te payer tes plantes. C'est mieux d'être rare, pas bon quand tu connais tout le monde. La vie de ma mère. Nique policier, à fuck le j'tard à bout de nerf. Pas de PCS à ton frangin, tu me fais le rappeur. Mille et un problème, il de la veille, demain c'est l'heure. C'est le grand classique, sonne l'alarme. De Marseille à Paris.